Celle pour se dire existant, les gens faiblissent. Homme dit homme, synonyme de faiblesse. La vie une fable fade, où les faiblesses, celle-ci ne divulguait. Pourquoi l'homme demeure convulsé, vu le sang qui coule n'est vulgaire. Qui a les yeux révulsés, douleur en larmes se convertissent. Et on se veut artiste, mais dans le décor, regarde ce que l'on vertisse. Notre ignorance c'est don, et on se don, dis-moi qui sommes-nous. Plus de 7 ans que je sais qu'on est ce qu'on sait. Et cela on s'ennuie, nous sommes nos propres ennemis. Nos esprits somnolent, ignorent que la vérité. Au sommet, ceux qui la consomment meurent. Les mœurs sont victimes de l'avenir. Du monde actuel, un monde où le crime paie, où les sentiments se veulent virtuels. Pour moi la seule arme, le savoir, le reste n'est qu'un leurre. Et grand qui veut l'être, à chacun d'affirmer sa valeur. Un pas après l'autre, gravir les marches du temps. En usant de nos ustensiles, silencieux pour se dire existant. Un pas après l'autre, gravir les marches du temps. Le faire tombe, bien que mal, même si le bonheur reste distant. Un pas après l'autre, gravir les marches du temps. En usant de nos ustensiles, silencieux pour se dire existant. Un pas après l'autre, gravir les marches du temps. Que ce soit intensif, en tout temps et pour le reste, c'est ton vie. Les plus jeunes, à l'école, tirent leur révérence à la thèse. Voient les référents, voilà leur seule référence. Ils finissent bien mal liés, le cerveau noué, échoué, bien quotidien. D'autres y échappent, et Dieu soit loué. Pour les autres énoncés, tous se munissent d'une lame. Ça donne à l'hymne de la haine, avant de rendre l'âme. Pour leur mémoire, le deuil se porte, des larmes se versent. Déversées, mais aucun mystère se perce. Avec nous le mot désordre, dehors c'est le désarroi. Un sale désert, tous désireux se dire déjà roi. Trop de décès, ou de rêve descend. Audacé, sexe, gun, complexe, fun. Une fine lame pour chaque odyssée. C'est peu intéressant, nos intérêts ne sont pas l'on a su stérer son, l'aide de personne. Ni même des visages pâles, mis sans nous, ayant pour munitions, des livres et lire nos propres choix. Sans attendre qu'on nous délivre. Un pas après l'autre, gravir les marches du temps. En usant de nos ustensiles, silencieux pour se dire existant. Un pas après l'autre, gravir les marches du temps. Le faire tombe bien que mal, même si le bonheur reste distant. Un pas après l'autre, gravir les marches du temps. En usant de nos ustensiles, silencieux pour se dire existant. Un pas après l'autre, gravir les marches du temps. Que ce soit intensif, en deux temps et pour le reste, c'est tant pis. On se dit prêt pour s'émanciper. Mais si près du but, dis-moi pourquoi nous aimons si peu. On ne sait pas ce qu'on fait, ni se confier. Manque de confiance, la vie un ensemble nous constate. La haine de confiance, si on pense vers ça, c'est pour le marque. Y'a versus, ça crise comme VR6. Et sur le sillon, les versus, mais on point les mains en son. Et pensons à nos gains. Et si on nous teste, fuck le reste. Le reste est à nos gains. Un pas après l'autre, gravir les marches du temps. En usant de nos ustensiles, silencieux pour se dire existant. Un pas après l'autre, gravir les marches du temps. L'enfer tombe bien mal. Même si le bonheur reste distant. Un pas après l'autre, gravir les marches du temps. En usant de nos ustensiles, silencieux pour se dire existant. Un pas après l'autre, gravir les marches du temps. Que ce soit intensif, en deux temps et pour le reste c'est tant pis. Un pas après l'autre, gravir les marches du temps. En usant de nos ustensiles, silencieux pour se dire existant. Un pas après l'autre, gravir les marches du temps. Le faire tombe bien que mal, même si le bonheur reste distant. Un pas après l'autre, gravir les marches du temps. En usant de nos ustensiles, silencieux pour se dire existant. Un pas après l'autre, gravir les marches du temps. Que ce soit intensif, en deux temps et pour le reste c'est tant pis. Tant pis.